jours heureux, jours de fête. Voilà une année pour toi qui s'envole par-delà le temps et qui fait place déjà à un nouveau printemps. Oui, un printemps dont tu souhaites qu'il soit beau, si beau que tu aimerais que tous tes rêves se réalisent par sa volonté. Oui, il comblera ta vie de ses riches bienfaits parce qu'il t'aime d'un amour profond. Alors, en ce jour de fête, avec un cœur reconnaissant, incline tout ton être vers celui qui t'offre une année de plus.